professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est l'image de la modernité négative de l'Amérique? Qui est bourgeois Phobus? Comment traditionnalistes et catholiques, artistes et socialistes ont-ils dénoncé le monde industriel en formation, le nouvel ordre capitaliste et les doctrines libérales, demande Pierre Ozanvallon. Quelles sont les convergences et les équivoques? Comment le vieux et le neuf se sont-ils mêlés? Comment les deux philosophies, antimodernes et naturalistes, se sont-elles retrouvées aujourd'hui pour instruire le procès de la gauche existante? Pierre Ozanvallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, observateur attentif du laboratoire démocratique entre terrain, vécu et conceptualisation, nous entraîne dans une grande fresque autour de l'histoire politique et intellectuelle, mêlant les séquences d'histoire récente, entre 1968 et aujourd'hui, à celle du long 19e siècle, voire de la période révolutionnaire, mais aussi à un récit plus personnel, où il partage son propre itinéraire d'HEC à la CFDT, puis à l'EHESS et à la Fondation Saint-Simon, avant l'entrée au Collège de France en 2001. En parallèle des événements, des points de crise ou de rupture, des portraits des protagonistes de ces changements et des comptes rendus des publications qui ont fait date et école, compte rendu nourri de très éclairantes sinon savoureuses citations comme aujourd'hui, il fait entrer dans cette histoire très vivante et souvent inquiétante ses interrogations, ses aveuglements, ses perplexités, ses enthousiasmes et une volonté de garder un cap constructif en ce temps de catastrophisme et de sentiment d'impuissance paralysante dans le cas de la série de cours au Collège de France proposée sur 2 ans sous le titre général « Les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique ». Le premier cycle de cours en 2017 avait été consacré à l'effervescent et enthousiasmant laboratoire des années post-68 avant l'entrée dans l'engourdissement des idées dans les années 80 et les débuts d'une démocratie définie depuis lors en négatif après le tournant de la rigueur. En 2018, ce deuxième cycle de cours part de l'essoufflement de ces années 1980 et des mots actuels, populisme et désenchantement démocratique en tête, pour analyser le nouveau paysage politique et des idées dans les années 1990-2000. Le néo-républicanisme, la mise en orbite du FN, les mutations de la gauche et les misères de la social-démocratie. Le cours d'hier s'est achevé sur les interrogations et les équivoques autour des nouveaux réactionnaires ou antimodernes, sur l'émergence d'un antilibéralisme intégral, la critique de l'avènement de la société des individus, sur la radicalisation des aversions et sur le procès de mai 68 qui canalise toutes les critiques de la modernité. Or, cette critique a une longue histoire, à commencer par l'image négative de la modernité en Amérique, miroir grossissant de l'individualisme égoïste et de la médiocrité et du conformisme. Aujourd'hui, la critique de la modernité et des doctrines libérales s'accompagne de celle du capitalisme au moment de la révolution industrielle, et Pierre Ozanvallon fait entrer Tocqueville, Théodore Jouffroy, Louis de Bonald, Villeneuve-Bargemont, Stendhal, Flaubert, mais aussi Lord Byron, Lamennais et Marx, avant d'interroger en s'en distinguant les travaux et les conclusions de Raphaël et Simonet sur les déclins de la gauche aujourd'hui. et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 24 janvier 2018 pour le cours de Pierre aux Envalons. Aujourd'hui, grand retournement, suite, les critiques du capitalisme et de la modernité. Il est frappant de voir que Tocqueville fera beaucoup d'emprunt à cette critique française de la modernité pour lire l'Amérique. Par exemple, les différents volumes de la démocratie en Amérique sont remplis d'emprunts qui ne sont pas signalés. Et notamment, il y a deux ou trois emprunts très, très célèbres, c'est que tous les chapitres qui sont sur le rôle de comparé des hommes de lettres en France et aux États-Unis, c'est quelque chose qu'il a emprunté. De la même façon, il a emprunté au prince Murat toute l'opposition entre les mœurs et les institutions. Et il a emprunté à Sainte-Beuve tout un développement de la démocratie en Amérique qui a pour titre de l'industrie littéraire. Et si vous lisez le chapitre de l'industrie littéraire, la démocratie en Amérique, vous verrez exactement repris toute la conceptualisation de Sainte-Beuve. Mais là où Sainte-Beuve accusait les romans feuilletons français, il accuse la littérature américaine. Il dira par exemple, la démocratie ne fait pas seulement pénétrer le goût des lettres dans les classes industrielles, elle introduit l'esprit industriel au sein de la littérature. C'est du pur Sainte-Beuve. Et Tocqueville n'était pas le seul à voir dans l'Amérique l'image d'une modernité problématique. Théodore Jouffroy, qui était l'auteur du fameux « Comment les dogmes finissent », un peu le bréviaire de toute une génération romantique, avait pareillement stigmatisé l'abaissement américain et l'espèce de civilisation moyenne qui s'y était formée. Et c'est une constante de tous les ouvrages des premiers voyageurs aux États-Unis, dans la première moitié du XIXe siècle, que tous sont frappés par la grossièreté des mœurs qui régnaient, par le fait que les arts étaient nuls chez eux, qu'ils n'avaient pas de musiciens, qu'ils n'avaient pas de peintres. Tous ces thèmes-là sont repris à l'envi dans toute la littérature de voyage sur les États-Unis de l'époque. Et ces jugements voisinaient avec la dénonciation de l'absence d'imagination des Américains, de leur ignorance des nobles dévouements, de l'hypertrophie de leur caractère mercantile. Et on verra, quelques années plus tard, Stendhal lui-même, qui consacrera des pages parmi les plus acides de la littérature française sur l'Amérique, avouant qu'il serait au désespoir de vivre sous le gouvernement de New York. La démocratie américaine, avait-il dit, amène nécessairement le règne des gens médiocres, raisonnables, bornés et plats. Et il dénoncera plus largement une terre où dominait une abominable vulgarité et sur laquelle la foule des hommes sont plongés dans les intérêts grossiers de la vie active. À côté de l'Amérique, il est vrai qu'il ajoutera, lui, la référence à la Suisse comme le pays du rétrécissement d'esprit humain, alors que c'est à la Belgique que Baudelaire s'attaquera aussi pour voir une image dans ses grandes notes intitulées « Pauvre Belgique », le pays de la fadeur universelle, de la grossièreté, de la laideur générale, de la démarche lourde. Une Belgique qui, comme l'Amérique, a une odeur de magasin. À côté de cette critique de l'individualisme, de cette critique du conformisme et de la médiocrité, ce sont aussi les critiques du capitalisme qui vont être essentielles dans la dénonciation de la modernité. Mais ces critiques du capitalisme vont avoir pour caractéristique essentielle qu'elles vont se déployer selon différentes traditions. Ces critiques du capitalisme vont être aussi fortes dans la littérature traditionnaliste que dans la littérature artiste et que dans la littérature socialiste. Et on va voir donc que cette critique du capitalisme va faire l'objet de convergences absolument inattendues dans la littérature entre différentes, on pourrait dire, familles politiques ou familles intellectuelles en même temps. Il ne faut pas oublier que ce sont les milieux traditionnalistes et catholiques qui ont formulé en France les premières analyses dénonciatrices du capitalisme et du monde industriel qui commençait à émerger. 20 ans avant les socialistes et 30 ans avant Marx ou Engels, je rappelle que le fameux livre d'Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, est de 1845, c'est dans les pages du Drapeau blanc de l'avenir et de l'université catholique que s'était déjà instruit le procès de l'exploitation et qu'avait été esquissée la figure du prolétaire moderne. C'est même dès 1796 que Louis de Bonald, le grand inspirateur de ce milieu, avait vivement cloué au pilori, dans sa théorie du pouvoir politique et religieux, l'industrie manufacturière, disait-il, qui est plus utile aux commerçants qu'à la société. Et il avait parlé de la malédiction que représentait cette industrie, qui nourrissait une population immense d'ouvriers livrés à la faim et au désespoir. Et deux grands ouvrages ont marqué cette littérature traditionnaliste et catholique. D'abord, le livre des nouveaux principes d'économie politique de Sismondi, publié en 1819. Mais plus encore, l'économie politique chrétienne de Villeneuve-Bargemont. Et Marx, s'il reconnaîtra le rôle de Sismondi comme précurseur, ne dira mot du second, alors que c'est l'école de pensée qui s'est reconnue dans le titre de Villeneuve-Bargemont qui a joué le rôle moteur dans la formulation des grands axes de cette analyse critique anticipatrice du capitalisme. Cette critique s'était organisée autour de trois grands axes. La critique du système de la manufacture, la dénonciation de l'Angleterre qui avait inventé ce système, et enfin la critique de l'idéologie qu'il avait à leur jeu justifiée, la théorie d'Adam Smith. Les manufactures, elles étaient pour tous ces observateurs du nouveau monde industriel le cœur de la modernité destructrice. Elles étaient le lieu où était reléguée, je cite, « une population agglomérée par myriades dans des ateliers insalubres ». Une population attachée à des travaux plus humiliants et plus opiniâtres que ceux des galériens. Une population qui était réduite à des nourritures, des vêtements et des logements si chétifs et même si précaires que chaque jour doute de l'existence du lendemain. Ce sont des formulations de Villeneuve-Bargemont, mais deux autres grands auteurs vont les développer, Charles Decoux, qui sera aussi une des grandes figures de l'économie politique chrétienne, et Maurice Rubichon également, une très grande figure de ce mouvement-là. Ce sont des livres qui ont une énorme diffusion. Et avec les maîtres de ces manufactures, c'était une nouvelle féodalité, celle du capital industriel, qui avait imposé, disait-on, son implacable loi. Et Villeneuve-Bargemont en parlera dans des termes qui marqueront une génération. Il parlait donc d'une nouvelle féodalité. Le capitalisme met en place une nouvelle féodalité caractérisée comme une aristocratie de l'argent et de l'industrie. Et elle est, cette nouvelle aristocratie de l'argent et de l'industrie, bien plus despotique, bien plus oppressive, mille fois plus dure que celle du Moyen-Âge. Cette suzeraineté industrielle ne pensait en effet à produire des richesses qu'à son profit exclusif et réussit pour cela à discipliner une population ouvrière vouée à la misère, à la subjection et à la dégradation. Il était donc essentiel pour lui de dénoncer les barons de l'industrialisme et de détruire ces nouveaux donjons qu'étaient les ateliers. Ce parallèle entre le capitalisme et puis la féodalité, entre les usines et les donjons, seront des thèmes récurrents de la littérature socialiste dans les années 1880-1890. Mais vous pouvez faire lire Villeneuve-Bargemont, le lire à quelqu'un et la personne pensera que c'est du Marx ou pensera que c'est du saint socialiste français des années 1880. Et parce qu'elle était la terre pionnière de la révolution industrielle, l'Angleterre faisait pour cela figure de laboratoire monstrueux de la modernité. Et le réquisitoire le plus implacable de cette Angleterre sera celui de Buret dans sa grande enquête de 1840 de la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre, paru avant l'ouvrage classique d'Engels et qui aura une très grande influence sur l'ouvrage d'Engels. Et il offrira dans ce livre une vue saisissante de noirceur des manufactures d'outre-Manche et du prolétariat qui y était attaché. L'Angleterre, écrivait-il, le pays de la grande industrie est aussi le pays de la guerre sociale, concluait-il. En Europe et dans le monde entier pour cela, le nom de Manchester deviendra alors l'une des appellations de l'enfer. Cette description des effets destructeurs du système des manufactures ne s'est pas limitée à raconter le malheur ouvrier en soi. Avec ce nouveau prolétariat, ressurgissait en effet le spectre d'un quatrième ordre, refoulé aux portes de la cité, exclu même de la commune humanité. Avec l'essor de la nouvelle industrie, la société se retrouvait ainsi plus radicalement divisée que jamais. Au moment où nous écrivons, notait Buret, la séparation des deux classes, les ouvriers et les capitalistes, sont portées au plus haut point en Angleterre. C'est une véritable sécession et comme une préparation à la guerre civile. Vous savez que Marx reconnaissait que l'invention de la lutte des classes était due aux historiens français des années 1820, mais on pourrait dire l'argumentation du caractère industriel de la lutte des classes, c'est à ce moment-là qu'elle a été mise au point. Au moment où l'inégalité est détruite dans l'ordre politique et civil, disait Buret, la voilà cette inégalité qui renaît et en fait et en droit avec une puissance qu'elle n'a jamais eue dans l'ordre de l'industrie. Et les promesses de l'émancipation moderne se trouvaient de la sorte contredites de la façon la plus violente qui puisse être. La critique du nouvel ordre industriel avait, au-delà de ses constats dénonciateurs, une dimension proprement intellectuelle aux yeux de ces hommes. C'était les doctrines économiques libérales qu'il fallait aussi clouer au pilori pour eux. On le sait peu, mais la première personne à avoir entrepris à l'aube du XIXe siècle une critique de fond de l'œuvre d'Adam Smith est Louis de Bonald. Un texte de Louis de Bonald fait l'analyse d'une œuvre qu'il qualifiait de désastreuse pour l'humanité. Car l'économie politique, disait-il, n'est qu'une science inutile car elle n'apprend pas à gouverner les hommes. Et la critique socialiste du capitalisme partait exactement des mêmes constats. Elle célébrait aussi l'artisan indépendant, avec parfois, comme chez Proudhon, l'appel à des formes d'associations constituant les corporations nouvelles. L'expression se sera popularisée dans les milieux ouvriers du Second Empire. S'établiront sur cette base des passerelles naturelles avec la critique traditionnaliste à partir desquels se formeront des milieux réformateurs du type de ceux qu'activeront les cercles leplésiens dans les dernières décennies du XIXe siècle, le vieux et le neuf se mêlant dans leur sillage. Et ce qu'on peut appeler la critique artiste n'était pas moins virulente que celle que nous venons d'évoquer, mais elle s'établissait sur de tout autres bases. Un pamphlet de Stendhal de 1825 ayant pour titre d'un nouveau complot contre les industriels qui voulaient dénoncer la célébration saint-simonienne des entrepreneurs et du progrès, en a constitué une illustration bien connue et archétypique. Stendhal, lui, ne considérait pas les banquiers et les manufacturiers comme des exploiteurs ou d'insupportables aristocrates de l'argent. Il n'y avait pas d'indignation sociale dans sa diatribe. Il n'avait pas les emportements horrifiés d'un Lamennais ou d'un Villeneuve-Bargemont. Mais ces industriels restaient d'abord pour lui des bourgeois, pétris d'esprit utilitaire, suintant l'ennui, cet ennui que les artistes et les poètes de l'époque ne cesseront de considérer comme le grand révélateur de l'engourdissement moral et du rapetissement des ambitions dans la France des années 1820-1840. C'était ainsi, non pas l'industriel capitaliste, mais le bourgeois qu'il vomissait d'abord dans la figure de ces industriels. Et au-delà du procès fait à l'étroitesse du principe d'utilité et de la dénonciation conséquente des industriels, cette figure du bourgeois, on le sait, a concentré et résumé pour deux générations d'écrivains tout ce qui leur apparaissait de plus haïssable dans le monde moderne. La platitude satisfaite, la médiocrité, le conformisme, le mauvais goût, le réalisme borné, la mesquinerie intéressée. Pour Gautier comme pour Flaubert, écrira-t-on drôlement, c'était une manière d'exercice de santé indispensable que de court le bourgeois, comme Voltaire avait besoin de court le Pompignan chaque matin par hygiène. Flaubert, qui ne cessera de les fustiger aux côtés des médiocres, des canailles, des imbéciles et des dindons, ira d'ailleurs jusqu'à signer fièrement une lettre à l'un de ses amis, Gustavus Flaubertus, bourgeois Phobus. Cette critique artiste a fait son chemin de façon relativement autonome au XIXe siècle. Elle a aussi eu son langage propre. Le terme de capitalisme en a par exemple été singulièrement absent. Elle a plutôt fait le procès de l'esprit utilitaire, comme nous venons de le voir, dénoncer le pandémonium industriel, vouer aux gémonies le monde bourgeois. Elle n'a aussi rien eu de spécifiquement français. En Allemagne, un Adam Müller instruira au nom de l'idée romantique de nation le procès identique de la vision matérialiste de l'intérêt qui fondait le système d'Adam Smith. Même chose pour Byron en Angleterre. Byron, qui était à la fois celui qui écrira de vibrants poèmes défendant les ludistes et en même temps celui qui méprisera la vie économique, ne comprenant pas comment on pouvait préférer travailler plutôt que de jouer du piano. Cette critique aura aussi bien d'autres grandes voix au XIXe siècle. Celle de Flaubert au premier chef, je viens de le dire, mais elle trouvera aussi son expression dans des milieux élitistes sur un mode ironique dans le roman populaire, notamment, avec comme par exemple l'ouvrage de Louis Rebaud, Jérôme Patureau, à la recherche d'une position sociale. L'anticapitalisme de la période s'exprimera ainsi avec des accents bien différents et fortement contradictoires. Mais une même communauté de rejet se dessinera pourtant de la sorte, avec l'efficacité critique qui en résultait, mais aussi les équivoques et les faux-semblants qui en résultaient. Il est en effet frappant de constater les parallélismes entre les trois types de critique de la modernité industrielle que je viens brièvement d'évoquer. La dénonciation de la morale utilitaire et de l'idéologie de ce que nous appellerions aujourd'hui l'homo economicus se retrouve par exemple dans les trois cas. Il y a aussi des éléments de langage commun. Le terme d'esclavage était ainsi utilisé par les penseurs traditionnalistes aussi bien que par les milieux socialistes pour qualifier la condition des ouvriers employés dans les manufactures. Ces convergences se surprennent a priori, tant nos schémas rétrospectifs d'analyse assignent spontanément ces différentes familles à des identités intellectuelles et politiques souvent opposées. Et plusieurs séries de remarques peuvent être faites pour bien appréhender cette question des convergences et des équivoques dans cette critique historique, pourrait-on dire, de la modernité. Il y a d'abord une structure spécifique de ce qu'on pourrait appeler les convergences négatives. Elles font partager des dénonciations, des indignations, des dénégations, mais sans dessiner pour autant les traits d'une possible communauté d'action, ou sans impliquer une représentation partagée d'un avenir souhaitable. La dénonciation de la condition d'esclave du prolétaire moderne en constitue un bon exemple. Elle a été formulée dans des termes presque identiques par Bonald, Villeneuve-Bargemont, Lamennais ou Marx. Mais les représentations simultanément associées de l'émancipation ont été, elles, divergentes, s'inscrivant dans la perspective d'une abolition du salariat par la socialisation de la propriété pour certains, ou la généralisation du travail indépendant pour d'autres, ou encore dans la perspective d'un retour à un ancien ordre, fondé sur des formes de dépendance et de hiérarchie jugées plus humaines. Il est ainsi frappant de constater que toute une partie de la littérature traditionnaliste relativisait les mauvaises conditions de vie de l'esclavage antique ou de l'esclavage de plantation comparativement à celle des ouvriers dans les manufactures, considérées comme bien pires. Et cette comparaison des deux types d'esclavage avait même été un des grands topoïs de la littérature économique de la période. Le premier à avoir lancé ce thème a été Charles Comte, l'éditeur du Censeur européen, qui lui a consacré un volume entier de son traité de législation. Et l'un des premiers observateurs français des conditions de travail dans les manufactures anglaises, le baron d'Auxèze, avait de son côté posé la troublante question « Ces nègres, dont le sort inspire tant la pitié, sont-ils aussi malheureux sur les plantations des colonies que les Blancs enfermés dans les sales ateliers de Manchester et de Birmingham ? » Et prenant en compte l'objection immédiate selon laquelle les prolétaires seraient, eux, au moins libres, sa réponse donnera le ton de toute une partie de l'opinion. « Non, avait-il argumenté, leur sort ne diffère de celui des nègres que par le mode de vente des individus. les nègres sont payés une fois pour toutes, les blancs reçoivent un faible intérêt du capital qu'ils sont censés valoir. Les uns sont sous la dépendance de maîtres intéressés à leur conservation, les autres peuvent mourir sans qu'à défaut de l'humanité, l'intérêt élève la voix en leur faveur. Tous sont également esclaves, également fixés sur le sol qui les porte. Les noirs travaillent en plein air, les blancs dans une atmosphère empestée. On achète les uns, on loue les autres, mais on ne saurait trouver de différence entre eux. Et la majorité des observateurs verront comme lui dans la condition prolétaire une version aggravée de l'esclavage. Et la façon dont un Lamennais a résumé la question dans le livre du peuple fixera les mots et les images de l'époque. Parlant du travailleur moderne, il notait « mieux eût valu pour lui un complet esclavage ». Car le maître, au moins, nourrit, loge, vêtit son esclave, le soigne dans ses maladies à cause de l'intérêt qu'il a à le conserver. Mais celui qui n'appartient à personne, on s'en sert pendant qu'il y a quelques profits à en tirer, puis on le laisse là. Il martèlera ensuite à satiété ses formules dans « De l'esclavage moderne ». Mais alors que Lamennais, comme beaucoup, en tirait la conclusion qu'il fallait considérer l'émancipation du prolétaire comme une priorité absolue, les voix traditionnalistes, elles, alimentaient avec cette comparaison leur nostalgie d'un ordre dans lequel de bons maîtres prendraient soin de leurs gens, leur garantissant une dépendance heureuse. Les Villermé, Buret, Gérandeau ou La Farelle, les grandes figures des enquêtes sociales de l'époque, ont cloué au pilori une modernité qui, en ayant détaché les hommes de formes de dépendance, certes contraignantes, mais en même temps protectrices, les avait rendus plus vulnérables aux aléas de l'existence. Il voulait dire que l'émancipation moderne avait été un leurre et que l'homme ne retrouverait une forme de sécurité dans l'existence qu'en étant réinséré dans des liens jugés positifs de dépendance. Toute leur vision de la lutte contre le paupérisme, outre un appel à la moralisation des prolétaires, reposera sur ce principe de la contrainte intégratrice. Apparaît aussi clairement dans ces critiques que des modes de retour à la tradition peuvent faire l'objet de rapprochements entre des points de vue fort différents. Prenons un exemple. Pour conjurer son avènement ou faire reculer la nouvelle féodalité industrielle, les traditionnalistes avaient une solution préférée. Recentrer la sphère économique sur les activités domestiques et agricoles. S'il faisait ainsi écho à la vision physiocratique de la richesse, c'est surtout un modèle social qu'ils proposaient de cette façon. Ils entendaient restaurer une économie directement encastrée dans le social, alors que les manufactures déterritorialisaient la satisfaction des besoins et désarticulaient l'organisation sociale. Ils reconnaissaient certes qu'il fallait centraliser certaines productions qui requéraient des lieux spécifiques, parce qu'elles étaient liées à des technologies lourdes, comme la production de métaux ou la fabrication d'armes. Mais tout devait en même temps être fait à leurs yeux pour maintenir une capacité de production domestique des biens courants, en même temps qu'entretenir des ateliers artisanaux, textiles ou autres, dans les maisons des paysans. Et Bonald appelait dans cet esprit l'administration à encourager le maintien et le développement des petites fabriques domestiques de toiles, de fil, de laine, de soie. Ces entreprises, défendait-il, ne déplacent pas l'homme. Elles occupent toute la famille dans les saisons mortes. Elles s'accordent avec l'agriculture, avec les mœurs et la santé. Elles n'obligent pas les jeunes filles à les compter avec un maître fabricant. Elles n'obligent pas les hommes à se moisir dans les caves ou à se morfondre dans les galetas. Le travail de la terre leur apparaissait simultanément comme le plus sûr des remèdes contre le paupérisme. Au lieu de laisser les pauvres croupir dans les taudis des villes, la solution était de les transférer à la campagne. Une énorme littérature sera alors consacrée au développement de cette idée. Elle fut pendant une trentaine d'années au cœur de la réflexion sur l'organisation des secours publics pour endiguer l'indigence. En France, mais aussi plus largement dans toute l'Europe, furent ainsi mis sur pied des colonies agricoles. Les projets de ces colonies étaient d'organiser, de transférer à la campagne les pauvres et de les mettre au travail agricole. Et les projets de rétablissement des corporations dans la France des années 1810 et 1820 participeront du même esprit d'une émancipation restauration de la société ancienne mêlant le vieux et le neuf. Dans la première moitié du XIXe siècle, critique réactionnaire et critique progressiste se sont de la sorte inextricablement mêlés dans la dénonciation de la modernité, les nostalgies et les impatiences se superposant en elles. Les mêmes équivoques feront leur réapparition dans les années 1890, au moment de la première mondialisation, droite révolutionnaire et gauche réactionnaire dessinant alors de nouvelles lignes de fracture intellectuelle et politique dans le pays. Et ce sera de nouveau le cas dans les années 1930, quand s'opéreront des rapprochements inédits entre fascisme et socialiste, dans un monde désenchanté, marqué par un sentiment d'épuisement des formes traditionnelles de l'économie, et dans un monde que le constat des défis de la démocratie et le constat de l'échec du libéralisme organisé l'économie nourrissait. Et c'est dans une conjoncture analogue que nous nous trouvons aujourd'hui, avec la reformation conséquente d'une culture réactive tissée du même type d'équivoque que dans ces trois moments précédents. Quelle est la logique de cette histoire ? Je pars là d'une phrase célèbre de Tocqueville qui dit « On ne résiste pas à la démocratie parce qu'on ne résiste pas à la nature ». Et c'est dans cette même perspective qu'a récemment été analysée l'éclipse indissociablement politique et intellectuelle de la gauche par un écrivain que j'ai cité dans mon cours d'introduction, Raffaele Simone, un professeur à l'Université de Rome, qui a publié deux essais amplement commentés, le premier ayant pour titre « Le monstre doux, l'Occident vire-t-il à droite ?» et le second « Si la démocratie fait faillite ». Au point de départ de son analyse, un constat. La gauche, dit-il, a perdu la capacité de donner sa forme au monde. Admettons ce constat sans discuter s'il s'agit d'une simple présupposition ou même d'un jugement mal fondé. L'important est en effet dans l'explication que propose Simonet de ce phénomène. Elle est double. D'un point de vue historique, il considère que ce sont les éléments constituants de cette gauche qui se sont dissous. Le prolétariat, dit-il, s'est d'abord dissous et transfiguré, devenu essentiellement composé d'exclus et de populations territorialement marginalisées, ce que Marx appelait le lumpenprolétariat, il ne constitue plus tant une classe, c'est-à-dire un sujet historique capable de s'imposer comme force motrice, qu'un problème social, une épine dans le pied, écrit-il. Restée inscrite dans une logique traditionnelle de classe et de défense des intérêts acquis, la gauche, explique-t-il, n'a pas su se faire l'avocat de ces nouvelles populations, en même temps que des populations immigrées qui constituent désormais une part importante du monde ouvrier traditionnel. Les partis de gauche ont en revanche été marqués par les transformations de la structure du salariat central et ont surtout exprimé les attentes de ce nouveau monde salarié de plus en plus constitué de professions intellectuelles et techniciennes. Au-delà de ces variables sociologiques, dont on voit bien l'importance, Simone attribue au premier chef le déclin de la gauche à des facteurs culturels. Si l'Occident vire à droite, dit-il, c'est en effet parce que les idéaux de gauche, ceux qui la différencient le plus nettement de la droite, ne sont plus à la hauteur de l'époque. Ces idéaux, c'est-à-dire, écrit-il, les principes de sacrifice, de l'individu à la collectivité, de secondarisation des intérêts matériels et de redistribution des richesses. Cette vision, qu'il qualifie, dans sa philosophie personnelle, de restrictive, pénitentielle et misérabiliste, a entraîné une fatigue de se situer à gauche, dans un monde caractérisé par le consumérisme et les valeurs individualistes. Et considérant avec ce parti pris philosophique totalement assumé que ces valeurs correspondent à ce qui est le plus proche de la nature humaine, le monde est naturellement de droite, dit-il, il en déduit donc que les positions de gauche sont fondées sur une constitution contre nature. Dans cette perspective de Simonet, ce que j'appelais le grand retournement est de l'ordre d'un retour du balancier. Simone, traitant sur le mode d'un déphasage ce que d'autres stigmatisaient comme une imposture de la gauche officielle. Son approche converge ainsi paradoxalement avec l'accusation faite à cette gauche d'être l'expression d'une modernité dévoyée par un libéralisme doublé d'un libertarisme dangereusement utopique. Les deux philosophies, anti-moderne et naturaliste, se retrouvent de la sorte pour instruire un même procès. C'est, de mon côté, une toute autre perspective qui a guidé mon appréhension du mouvement présent. La perspective et le constat d'un vide intellectuel sur lequel ont prospéré les idéologies du grand retournement. Considérer les choses de cette manière, c'est souligner que nous ne sortirons des menaces que charrie à la fois cette critique de la modernité avec tous les problèmes qui ont été les siens depuis, on l'a vu, bien longtemps, que nous sortirons de ces menaces qu'elle charrie que par l'entrée dans un nouvel âge de démocratie et de l'organisation solidaire du social. Car c'est toujours dans les promesses non tenues de la modernité que s'enracinent les perversions régressives et les illusions mortifères. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among those, possess you with one go. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre Auzan-Vallon, aujourd'hui 1968-2018, le grand retournement, suite et critique du capitalisme et de la modernité. It's coming on, my future. Après avoir fait le point sur les grandes mutations intellectuelles et politiques des années 90, en tout cas de la deuxième partie des années 90 et des années 2000, je voudrais faire le point sur la situation actuelle. Comment aborder la situation actuelle du point de vue de la problématique qui était la nôtre depuis le début de ce cours. Dans un premier temps, je voudrais analyser les conditions dans lesquelles on peut situer la période contemporaine dans une analyse plus générale de la modernité. Et en même temps, situer la situation contemporaine dans une analyse plus générale de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Commençons donc par la question de la compréhension de la situation présente dans ce qu'on appelle la modernité. Une formule fait actuellement florès, c'est celle de radicalisation de la modernité. Considérer que le temps présent se caractérise par cette radicalisation de la modernité. Et cette notion de radicalisation de la modernité est notamment mobilisé par beaucoup de personnes qui ont écrit de façon critique, disons, sur cette période contemporaine. Et cette radicalisation, elle est décrite sous les espèces de l'avènement d'un pur individualisme qui marquerait une rupture avec la cohabitation précédente du principe d'indépendance individuelle qui caractérise en lui-même et de façon générale, depuis l'origine, pourrait-on dire, le mouvement de la modernité, avec tout un ensemble d'institutions et de traditions qui continuaient dans l'étape précédente de la modernité, avant sa radicalisation, à rattacher l'individu à des formes d'incorporation collective. L'individu, souligne-t-on dans cette perspective, était certes depuis longtemps reconnu comme le sujet de l'émancipation, mais il restait en même temps inséré dans un système familial, il se reconnaissait dans l'appartenance à une classe sociale, et il considérait que ses conditions d'existence étaient dépendantes du fonctionnement d'institutions sociales. Au-delà des règles de droit, ses relations avec autrui étaient aussi gouvernées par le respect de traditions ou de principes moraux. Tout cela, dit-on, conduisait dans les faits à encadrer et à canaliser l'indépendance individuelle et à l'articuler avec la sphère du collectif. C'est la rupture de cet équilibre qui caractérise pour nombre d'auteurs aujourd'hui la radicalisation de la modernité. Et dans ce cadre, le rejet des 68 arts des hiérarchies, puis 50 ans plus tard, le mariage pour tous, accusé de détruire la notion même de famille, notion de famille traditionnelle, qui est définie, je le rappelle, comme l'institutionnalisation du rapport entre les sexes et les générations. Ces éléments ont été décrits comme deux temps forts de ce processus destructeur menant à la radicalisation de la modernité. Mais cette radicalisation est aussi fréquemment rapportée aux effets du néolibéralisme dans le monde du travail et, de façon générale, à la montée en puissance du droit dans la régulation sociale. Un auteur, un essayiste comme Jean-Claude Michéa voit ainsi dans la double logique du marché autorégulé et du droit procédural un mouvement conduisant à décomposer, je le cite, à décomposer une à une toutes les structures élémentaires de la solidarité traditionnelle, la famille, le village, le quartier, qui avaient jusqu'ici, poursuit-il, constitué la principale condition de possibilité anthropologique du sens commun et de la moralité populaire. Cette logique de déploiement d'une radicalisation, qui correspond donc pour lui à un déploiement illimité des axiomes du libéralisme, selon sa formule, ayant plus généralement pour effet d'éliminer les uns après les autres tout ce qu'il a appelé les principes d'arrêt sur lesquels s'appuyaient encore les premiers libéraux. On voit aussi que dans l'œuvre de Marcel Gauchet, je pense notamment à son dernier volume, c'est dans le cadre totalisant de sa philosophie de l'histoire définie par le passage d'un monde de l'hétéronomie et de l'altérité, monde de l'hétéronomie et de l'altérité caractéristique dans sa perspective du phénomène religieux, c'est dans ce passage du monde de l'hétéronomie à un monde de l'autonomie que cette radicalisation de la modernité est comprise. Il parle ainsi de dissolution des restes de la structuration religieuse à la faveur de ce qu'il appelle l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. En vérité, soulignera-t-il dans cette perspective, les traits modernes de la société, pendant longtemps, ne l'étaient encore qu'incomplètement. Ils ont achevé de le devenir en se dégageant cette fois entièrement de l'enveloppe religieuse qui les modelait toujours en secret. De cette façon, les articulations primordiales du moderne, écrit-il, ont commencé d'aller au bout de leur logique. Ces visions d'un accomplissement problématique de la modernité ont, à mon sens, l'inconvénient majeur de présenter comme une évolution linéaire et fatale ce qui a davantage pris historiquement la forme d'une tension permanente entre l'individuel et le collectif, l'appartenance d'un côté à la société civile des individus et de l'autre à la nation des citoyens. Et c'est d'un autre côté, dès la période révolutionnaire, et non pas la fin du XXe siècle, qu'était formulé le projet d'une société débarrassée de tous les corps intermédiaires accusés d'opprimer les individus. Il est fondamental de rappeler, me semble-t-il, que l'idée d'une société d'individus est de 1789 et pas une invention néolibérale contemporaine. Dans l'ordre anthropologique, ce qui a été le signe le plus évident dans la période révolutionnaire de cette vision d'une société d'individus, ça a bien sûr été l'institution du divorce. L'institution du divorce, transformant le sens même de la notion de famille, a été la grande rupture de 1792. Vous savez que le divorce sera rétabli ensuite en France en 1816 et qu'il ne sera à nouveau instauré qu'en 1884. Et que le grand livre théorique critique de l'institution du divorce de son point de vue anthropologique est l'ouvrage de Louis de Bonald qui s'appelle « Du divorce », publié en 1801. Mais s'il y avait l'idée d'une société des individus en 1789, il est vrai que celle-ci était alors aussi inséparable d'une conception unitaire de l'être ensemble exprimé dans la nation. On connaît ainsi les célèbres formules de Sieyès qui appelait ses contemporains à fonder le nouvel ordre social sur la destruction des ordres et des corporations afin, disait-il, que les citoyens forment le seul corps qui vaille, celui de la nation. Nous n'avons qu'un seul désir, nous perdre dans le grand tout. Les termes de cette adresse de la Commune de Paris rapportée par Michelet ont bien résumé l'esprit de l'époque. Si l'on avait aussi lancé, dans un langage totalement inédit, que la nation française est une société d'environ 25 millions d'individus. C'est la phrase qui commence l'ouvrage très connu de Toussaint Guiraudet, « Qu'est-ce que la nation et qu'est-ce que la France ?» Pour la première fois, on dit « la nation française est une société de 25 millions d'individus ». Mais c'est que « société d'individus » ne voulait pas dire alors « agrégat de solitude et d'égoïsme ».« Société d'individus » voulait dire plutôt « monde régénéré »,« monde pacifié »,« monde unifié ». Il faut comprendre que le libéralisme radical de l'époque était un libéralisme jacobin. C'était une utopie de la communion des hommes et de l'immédiateté de la société à elle-même, une utopie du bien commun réalisée par la pureté des cœurs et la simplicité des lois. Dans l'ordre économique, c'était bien sûr la vision du marché émancipateur dont la loi Le Chapelier avait résumé l'esprit en supprimant des corporations accusées d'entraver l'individu, travailleur libre et propriétaire de lui-même. Ce libéralisme utopique était certes optimiste dans sa conception de la régulation économique et sociale, et c'est pourquoi sa pertinence pratique fut interrogée dès le début du XIXe siècle. J'ai, dans un de mes premiers cours au collège, longuement expliqué les conditions dans lesquelles s'étaient formés sous l'Empire et pendant la Restauration des mouvements plaidant pour un retour aux corporations, dans le domaine des produits alimentaires en particulier, les seuls règlements de police apparaissant incapables d'en garantir les qualités sanitaires. Et plus tard, bien sûr, ce libéralisme optimiste appliqué au monde du travail sera ébranlé, la répression du délit de coalition posant de nombreuses questions. Et on verra, notamment sous le Second Empire, une centralité qui sera donnée à cette question de la suppression du délit de coalition, en considérant que ce délit avait été l'erreur fondamentale de la Révolution française. C'est une expression qui reviendra sous la plume de nombreuses personnes. On voit bien, à partir de ce seul exemple emblématique, que l'histoire n'a pas été celle d'un monde collectif cédant peu à peu la place à un ordre libéral, mais qu'elle a été la réinvention permanente des figures du social et du bien commun. Plus tard, vers la fin du XIXe siècle, cette critique du libéralisme utopique s'amplifiera notamment avec les nouvelles conceptions du monde que la sociologie naissante mettra dans toutes les têtes. Et à rebours du projet révolutionnaire fondé sur le credo d'un individu souverain et autonome, s'imposera une vision beaucoup plus organique de la société. Et ce sera notamment, je dirais, l'histoire même de la sociologie que de montrer que, en pensant que la société était composée d'individus, on ne voyait pas qu'en fait, elle avait une structure qui restait de type organique, même si cette organicité n'était pas du type de celle qui était institutionnalisée sous l'ancien régime. J'ai moi-même, dans un de ses premiers cours au collège qui a donné lieu à la publication du livre « Le modèle politique français », souligné qu'une tension restera toujours présente entre des représentations de la société marquées par la vision originelle du jacobinisme et du libéralisme jacobin, disons, et les dispositions institutionnelles qui faisaient entorse. Et de cette façon, l'histoire intellectuelle et l'histoire sociale faisaient apparaître deux Frances fort différentes. J'éprouve aujourd'hui le même sentiment par rapport aux thèses simplificatrices de la radicalisation individualiste de la modernité. D'abord, parce que c'est en termes de mutation de l'individualisme qu'il faut comprendre la situation présente, et non pas seulement en termes d'accroissement de son règne, mais plus encore, parce que le très bref rappel de ces quelques faits historiques suggère que le problème contemporain est celui de la difficile émergence de nouvelles modalités de constitution du social. Si le social d'identification et d'incorporation décline, celui de l'appartenance et de la conscience de classe, pour faire vite, le social d'expérience partagée se développe, lui. Cela correspond au fait que la vie des individus est dorénavant autant construite par des situations que par des conditions. C'est un des grands tournants de la sociologie contemporaine que d'insister sur ce passage d'une sociologie des conditions à une sociologie des situations. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce fait sociologique essentiel que j'avais fondé en 2014 le lancement de l'expérimentation « Raconter la vie » avec son manifeste « Le Parlement des invisibles ». Dans cette perspective, il faut donc prendre en compte, pour considérer les nouvelles modalités d'organisation du social, par exemple, les outils de communication qui deviennent adaptés à la constitution des communautés d'épreuves et des communautés d'expérience. Le propre des nouveaux outils de communication sur Internet, c'est qu'ils ne sont pas les vecteurs d'un social d'identification, mais le vecteur d'un social considéré comme constitué par des communautés d'épreuves et des communautés d'expérience. Le problème étant qu'en même temps, et c'est là toute la difficulté, que de nouvelles institutions correspondantes de solidarité n'ont pas encore été conçues et n'ont pas encore commencé à émerger. Il n'y a pas aujourd'hui de conception d'institutions sociales correspondant à ces nouvelles formes de sociabilité, à ces nouveaux modes de constitution du lien social. La prise en compte de ces éléments suggère d'abandonner les considérations apocalyptiques et trop générales sur la modernité au profit d'une prise en compte des spécificités précises du moment présent de celle-ci. Plutôt que de parler de radicalisation de la modernité, il me semble ainsi plus adéquat de resituer ce présent dans une relecture des tensions et des crises qui ont marqué et continuent de marquer le déploiement de cette modernité. C'est plus la notion de déploiement que celle de radicalisation qui me semble devoir être prise en compte. Déploiement qu'il ne faut ainsi pas comprendre sur le mode linéaire d'un progrès, comme le font certains, ou d'une régression, comme d'autres l'appréhendent. L'idéal d'autonomie et le projet d'émancipation qui lui sont liés constitue en effet le cadre d'une invention sans fin de l'humanité par elle-même. Il faut reprendre le fil de cette histoire depuis la première formulation de ces principes et l'action de ces révolutions fondatrices. Car cette modernité qui définit notre monde n'a pas simplement une histoire, elle est une histoire sans fin donc, celle d'un travail d'exploration et d'expérimentation, de compréhension et d'élaboration d'elle-même. Dans cette perspective, on peut considérer trois grands âges de la modernité. Trois grands âges de la modernité qui ont été des moments d'expérimentation des conditions de déploiement de celle-ci. Le premier âge le plus classique, le plus connu, la première modernité, c'est celle qui est définie par l'idée d'indépendance individuelle. Et tous les grands noms, pourrait-on dire, de la philosophie du XVIIIe qui se sont intéressés à cette question-là ont essayé d'interpréter, selon des modalités spécifiques, cette notion d'indépendance. On sait que chez Rousseau, par exemple, il déploiera de façon très permanente l'idée d'une vie qui peut être menée sans le secours d'autrui. On sait que chez Locke, ce sera la notion d'individu propriétaire de lui-même qui va être la marque de l'indépendance. On sait que chez Kant, ce sera la notion de sortie de l'état de minorité. Chez les Lumières écossaises, avec un John Millar au premier chef, ce sera une vision de l'histoire comme développement de l'idée d'indépendance. L'idée d'indépendance étant ce qu'il appelle la marche de la civilisation, qui va vers une autonomie croissante, tant des individus que de la société civile par rapport aux autorités consacrées. L'indépendance telle qu'elle était appréhendée dans ces différentes approches ne définissait pas seulement une qualité intrinsèque des personnes, elle correspondait aussi à l'avènement d'un nouveau type de société, elle constituait une forme sociale, cette notion d'indépendance. Et la société des individus qui résultait de cette notion était en effet fondée sur le principe, je cite Jean Starobinski, d'une réciprocité des consciences libres. Le social, c'était cette réciprocité des indépendances. D'où, dans le cas français, le caractère considéré comme inséparable des droits de l'homme et du citoyen. Ce sont deux modalités de l'indépendance, et non pas l'opposition d'un côté entre l'individu et de l'autre la société. Du Collège de France les 24 et 31 janvier 2018, vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Aujourd'hui, grand retournement, les critiques du capitalisme et de la modernité. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible désormais dans la collection Point Seuil depuis 2017. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons l'interrogation de la situation actuelle dans la modernité en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.